19h30, c'est le moment de retrouver le magazine d'archéologie de France Culture, Carbone 14. En quelques années, il est devenu incontournable au sein de la recherche, notamment à la croisée de l'archéologie, de la paléoanthropologie et des sciences de la Terre. Il faut dire qu'il sillonne le monde à la recherche d'indices au plus profond des réseaux cavernicoles. Quoi qu'il en soit, sa boulimie scientifique se voit à la une des plus grandes revues internationales. Pourtant, même au sein de la communauté des archéologues, mon invité semble faire un curieux métier, puisqu'il s'intéresse à l'évolution des paysages fossiles, notamment ceux de l'origine de l'homme. Ce soir, le magazine d'archéologie de France Culture ouvre grand ses portes à la géoarchéologie et à Laurent Bruxelles. Bonsoir. Bonsoir. Longtemps géomorphologue à l'INRAP, vous êtes désormais chercheur au CNRS, directeur d'une mission du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, et qui est venu, voici un an, nous parler de la corrosion biologique de la rupestre préhistorique. J'ai aussi souvenir de vous avoir suivi en Afrique du Sud pour mieux plonger dans le réseau souterrain de Sterkfontein, puisque vous appartenez à l'université de Witwatersrand à Johannesburg. Laurent Bruxelles, je vous propose une promenade dans vos recherches, en commençant justement par cette région, berceau de l'humanité. Malgré les millions d'années qui nous en séparent, la recherche avance très vite en Afrique du Sud, avec de grandes découvertes. Oui, la recherche avance très vite en Afrique du Sud, d'abord parce que les sites et le potentiel de découverte est énorme et il est à peine touché aujourd'hui, et parce qu'il y a aussi tout un réseau de chercheurs français, sud-africains et étrangers qui travaillent sur ces karstes. Et donc on a sur ces cavités, et on a donc effectivement beaucoup de découvertes, notamment le site de Swartkrans, qui est bien connu dans cette région-là, qui va nous livrer bientôt de belles découvertes qu'on est en train de publier. Donc, grosso modo, très régulièrement, c'est une région du monde qui apporte des jalons majeurs dans l'histoire de l'évolution de l'homme. Et puis, disons-le, ça fait presque un siècle que l'archéologie et l'anthropologie travaillent en Afrique du Sud. Il ne faut pas oublier que l'enfant de Tong a été découvert en 1924, le premier australopithèque. C'était le premier australopithèque. Effectivement, le genre a été défini par Raymond Dart sur ce crâne d'enfant australopithèque. Et ce n'est que bien plus tard, à Sterkfontein, que les premiers crânes adultes d'australopithèque ont été découverts et ont confirmé l'existence de ce genre. Justement, les enjeux sont considérables. Un petit squelette au cœur de la grotte de Sterkfontein a été l'objet notamment de très importantes recherches autour de sa datation. Le fameux Littlefoot. Eh oui, le fameux Littlefoot. Effectivement, c'est le squelette d'Australopithèque le plus complet au monde, plus de 95%, puisque chaque jour, disons, Ron Clark continue à découvrir des petits bouts d'ossements. Et effectivement, un gros problème au niveau de la datation, et c'est pour ça que j'étais intervenu dès 2006 là-bas, parce qu'il y avait des dates très disparates, 2 millions, 3 millions, 4 millions pour certains. Et donc il a fallu reprendre. Le problème, c'est qu'on ne peut pas dater directement les fossiles, on ne peut pas dater les os qui n'en sont plus, il faut donc dater les sédiments. Et la plus grande difficulté, c'est justement de bien relier les sédiments aux fossiles que l'on veut dater. Et ça, c'est le travail du géoarchéologue, du stratigraphe ou du géologue plus largement. Alors justement, c'est très très important parce que Littlefoot était daté d'environ 2 millions d'années et vous l'avez complètement remonté dans le temps. Oui, c'est ça. Il y avait une date à 2,2 millions d'années qui était celle qui était admise. Et par nos travaux, on a pu montrer que ce qu'ils avaient daté pour obtenir cet âge, eh bien, c'était des planchers de calcite, ce qui forme les stalactites et les stalagmites, mais qui étaient intrusifs, c'est-à-dire qu'ils étaient venus dans un second temps autour de Littlefoot. Et donc, évidemment, on ne datait pas la bonne chose. Et c'est en reprenant ces travaux-là qu'on a vu qu'il fallait plutôt dater les cailloux qui sont tombés avec Littlefoot et mesurer depuis combien de temps ils étaient à l'abri du rayonnement cosmique. ça a donné un âge de 3,7 millions d'années, ce qui fait quand même un demi-million d'années de plus que Lucie. Justement, cela veut donc dire que Littlefoot pourrait être un de nos ancêtres, contrairement à Lucie, l'Australopithecus afarensis, mis au jour par Yves Coppens, qui n'est de fait que notre grand-tante. Alors ce qui est sûr, c'est que ça remet l'Afrique du Sud dans, disons, la course, si tant est qu'il y en a une, à l'évolution. À 2,2 millions d'années, le genre Homo était déjà apparu, et donc Littlefoot, évidemment, ne pouvait pas être notre ancêtre. À 3,7 millions d'années, donc environ 1 million d'années avant l'apparition du genre Homo, eh bien évidemment, Littlefoot, chronologiquement, peut l'être. Maintenant, les paléanthropologues qui travaillent actuellement sur ce fossile, et notamment Ronald Clark, hein, celui qui l'a découvert, commencent à penser que Littlefoot pourrait être un ancêtre plutôt des paranthropes. Et que les autres australopithèques qui sont sur ce site, qui sont des Australopithecus africanus, pourraient plutôt, eux, être à l'origine du genre Homo. Donc vous voyez, il y a toujours un petit peu cette difficulté de filiation. Il faut voir évidemment qu'il manque des fossiles intermédiaires, mais comme chaque jour ou chaque semaine, il s'en découvre de nouveau, j'espère qu'on va vite combler cette lacune. Laurent Bruxelles, vous n'êtes pas paléo-anthropologue. J'évoquais votre métier. Qu'est-ce que la géomorphologie, la géoarchéologie ? Alors la géomorphologie, c'est la science qui étudie les paysages, leur description, leur évolution. Donc c'est déjà une approche un petit peu interdisciplinaire. On va prendre en compte la géologie, la géographie, la climatologie, mais aussi l'impact de l'homme sur le paysage. Mais comme je travaille avec des archéologues, essentiellement des archéologues, je mets à leur disposition ma discipline. Et donc je suis devenu un géo-archéologue. Et donc globalement, je m'intéresse à tout ce qui est autour de l'homme, le site, le paysage, mais aussi le site avant l'arrivée de l'homme, le site pendant son occupation et l'impact de l'homme sur le paysage, et ensuite comment tout ceci a évolué jusqu'à ce qu'on trouve aujourd'hui les vestiges. Et c'est un métier qui se généralise dans la profession, tant en archéologie préventive qu'en archéologie programmée ? Oui, on se rend compte maintenant depuis un certain nombre d'années qu'on a besoin de disciplines comme celle-ci, qui sont des disciplines interdisciplinaires, qui vont faire discuter les disciplines entre elles. Le langage d'un géologue et le langage d'un archéologue ne sont pas les mêmes. Quand on parle d'un paléosol, on ne parle pas du tout de la même chose. Eh bien, il faut des gens qui sont capables un petit peu de parler ces deux langues. Et effectivement, surtout l'impulsion de l'archéologie préventive, peu à peu, la géoarchéologie s'est développée, à tel point que maintenant, on arrive à créer des axes ou des laboratoires, des équipes de géoarchéologie au sein des laboratoires du CNRS. Le sujet qui fait beaucoup de bruit, c'est une grotte, celle de Rising Star, avec un individu Homo naledi, découvert par un anthropologue qui est un grand communicant, Lee Berger, c'est bien ça ? Oui, c'est tout à fait ça, oui. Alors, le cas de Rising Star est intriguant, parce qu'on a quand même un hominine très archaïque, avec un cerveau de la taille d'une orange, comme les Australopithèques, si ce n'est que les datations le mettent entre 200 et 300 000 ans. Alors, la question, c'est est-ce que c'est un isolat ? Est-ce qu'on aurait les derniers descendants des Australopithèques qui auraient échappé à l'évolution pendant 2 millions d'années ? Ça pose quand même pas mal de questions, surtout si l'on prend en compte ce qu'avance Lieberger, l'idée de sépulture volontaire, donc d'une intelligence un petit peu avancée. En fait, on retombe là aussi sur le problème de datation. Les sédiments sont certainement très très bien datés, mais quel est le lien entre ces sédiments et les fossiles ? Malheureusement, bien malgré que l'université de Witwatersrand à Johannesburg ait demandé à ce que j'intervienne, Lieberger n'a pas voulu que j'aille mettre mon nez dans son site. Donc on ne saura pas pour l'instant. Est-ce que vous auriez pu rentrer dans la grotte, puisque de toute manière, paraît-il qu'elle est tellement étroite que seules des petites personnes peuvent y rentrer ? Alors j'ai pu faire un petit tour dedans, très rapide, avec des spéléologues. Et effectivement, ça m'a valu deux côtes. Et pourtant, je suis spéléologue, hein, donc j'arrive à passer dans des passages assez étroits. Mais là, il a fallu vider la poitrine, pousser avec les pieds. Et c'est lorsque les deux côtes ont cassé que j'ai pu passer. Voilà, la science est à ce prix, des fois. Mais vous en étiez déjà cassé une au Mas d'Azil, dans la grotte française, donc en Ariège ? Oui, on va dire que ça m'arrive assez souvent. Mais j'adapte mon corps à la morphologie des grottes. C'est ça aussi la spéléologie et la géomorphologie ? Quand on choisit en plus dans la branche de la géomorphologie ce qu'on appelle la karstologie, donc l'étude des grottes et des paysages dans les calcaires, il faut effectivement s'investir comme ça. On va très loin sous terre dans des conditions difficiles, mais c'est une façon de lire le livre de l'intérieur. On ne se contente pas que de la couverture. On a la chance avec les grottes de rentrer dans les archives, et je trouve que c'est un angle de lecture très très complémentaire et très riche. Le berceau de l'humanité, ce n'est pas l'Éthiopie ou le Kenya, ni l'Afrique du Sud, c'est de fait toute cette région entre la corne de l'Afrique jusqu'à l'Afrique du Sud. C'est bien ça, Laurent Bruxelles ? Ah oui, c'est au moins ça. C'est-à-dire que jusqu'à la datation de Littlefoot, en fait, elle a mis un petit peu le bazar. On disait le berceau de l'humanité, c'est l'Afrique de l'Est. On a des fossiles très très bien datés qui se suivent. On voit la filiation depuis les Australopithèques jusqu'au genre Homo. Et l'Afrique du Sud avait des fossiles beaucoup trop jeunes. Avec la datation de Littlefoot, on a une évolution commune, parallèle, à 4000 km de distance, mais avec quasiment les mêmes espèces, sont très très comparables, les espèces d'Australopithèques que l'on a en Afrique de l'Est et en Afrique du Sud. Et ça, soit on a deux évolutions parallèles en même temps synchrones, soit ce qui est plus raisonnable, c'est de penser qu'il y avait des Australopithèques et des hominines un petit peu partout en Afrique, et qu'on les retrouve aujourd'hui plus que dans deux points, qui sont en fait des pièges géologiques. Alors, on n'est pas le premier à le dire, mais maintenant, la datation de Littlefoot le prouve, et ça répondrait un petit peu à la question du berceau à roulettes. En fait, on n'est pas dans le cadre d'un berceau à roulettes, mais plutôt d'un très très grand berceau à l'échelle du continent. Est-ce qu'il faut y intégrer le Tchad avec donc un individu vieux de 7 millions d'années ? Oui, le Tchad, moi je pense qu'on raisonne en millions d'années, mais certes, on raisonne sur un territoire grand, mais on est en millions d'années. Il faut imaginer ce que des animaux, nos ancêtres, ont pu faire à l'échelle d'un continent en termes de déplacement. Finalement, on avait une vision peut-être qui était un peu trop rigide, un peu trop géographique, coincée dans le rift. Maintenant, il faut intégrer, moi je pense, l'ensemble de l'Afrique. Et donc, ça veut dire que potentiellement, il y a des morceaux du berceau de l'humanité un petit peu partout en Afrique. Restez donc à découvrir des gisements. C'est ce que vous avez entrepris avec votre mission du ministère des Affaires étrangères. Tout d'abord en Namibie, puis au Botswana. Oui, une fois qu'on a compris qu'il y a des pièges à fossiles encore à trouver, nous, notre spécialité étant les grottes, et puis on sait que les grottes, ce sont des très très bons conservateurs, il suffit de voir l'art pariétal dans la cavité par exemple, et on a dit allons chercher des grottes ailleurs. Et donc on a commencé à réfléchir à la géographie, à la répartition des massifs calcaires en Afrique. Et on est parti petit à petit. Disons, on est en Afrique du Sud, on est monté un petit peu au nord, en Namibie. On a travaillé dans la région des Haïs, mais la partie ouest des Haïs. Et puis après avoir fait un petit détour, maintenant on est revenu au Botswana, toujours dans cette partie des Haïs, mais cette fois-ci à l'est, dans le Botswana. Et là, effectivement, on a des massifs calcaires, on a des grottes et on a des fossiles. Et alors en plus, on fait beaucoup de terrain, évidemment, beaucoup de prospection, d'exploration de grottes. Mais on a aussi des gens qui travaillent maintenant en télédétection. Donc il y a Bastien Chadel, par exemple, qui fait sa thèse actuellement là-dessus et qui, par photosatellite, va nous aider à identifier les massifs calcaires ou, par des fois, les grottes dans lesquelles on va les fouiner. Vous faites ça avec des drones pour calculer les différences de chaleur, c'est ça ? Oui, alors des drones équipés de caméras thermiques, des caméras infrarouges. Et donc, on fait bien attention d'y aller, soit l'hiver austral très très tôt le matin, soit au contraire quand il fait très très chaud. Parce que les grottes, elles, ont une température moyenne annuelle qui ne bouge pas. Et donc, en fonction des températures extérieures, des courants d'air vont se mettre en place entre la grotte et l'extérieur. Et le drone peut détecter ça. Et donc, on fait des cartographies thermiques avec les drones. Et ensuite, nous allons visiter les cavités qu'il a détectées. Que doit-on chercher pour trouver des sites très anciens ? Je l'ai compris il y a peu, c'est la brèche. Mais c'est quoi exactement votre brèche, Laurent Bruxelles ? Alors la brèche, effectivement, oui, on est toujours sur la brèche, on cherche la brèche. La brèche, c'est une espèce de béton naturel dans les grottes. Ça s'est formé dans les grottes, celle-ci, celle qu'on cherche en tout cas, parce que la brèche est un objet géologique. Ce sont des cailloux, des blocs qui sont cimentés entre eux, comme du béton. Nous, dans les grottes, ce sont d'anciens cailloutis, de la végétation ou des ossements qui sont tombés, par exemple, par un gouffre et qui se sont accumulés en bas. Et puis ensuite, la calcite, qui provient des stalactites, a cimenté tout ça et l'a rendu aussi dur que du béton. Et l'intérêt de la brèche, c'est que même des millions d'années après, même lorsque le plafond de la grotte a été complètement érodé et que cette brèche est à l'air libre, eh bien elle protège les ossements qui sont à l'intérieur. C'est une espèce d'écrin dans lequel nous, ensuite, on va fouiller. Et donc, on sait reconnaître cette brèche sur le terrain. Et donc, lorsque l'on prospecte, on passe d'un calcaire à l'autre. Et puis, d'un coup, on va trouver cette espèce de béton naturel un peu orangé, souvent d'ailleurs associé à des stalactites et à des stalagmites. Et là, on sait que, bingo, on a la grotte fossile que l'on cherchait. C'est-à-dire qu'on peut trouver de la brèche rien qu'en marchant à la surface du sol, qui correspondrait donc à des grottes complètement comblées ? Exactement, ce sont des grottes entièrement comblées et même maintenant complètement détruites, au point qu'on est carrément dans l'intérieur hein, de la grotte. Et donc c'est à l'air libre, ça nous attend, c'est protégé justement par le ciment calcaire. Et donc ça veut dire qu'il faut marcher, les identifier, des fois les repérer sur photo aérienne quand il y a des petites anomalies de paysage. C'est là le rôle aussi du géomorphologue, de cibler parfois des points particuliers à aller voir. Mais elles sont là, elles nous attendent depuis des millions d'années. France Culture, Carbone 14, Vincent Charpentier. Laurent Bruxelles, vous marchez, vous regardez par terre, mais vous regardez aussi autour de vous, car on ne sait jamais, il y a le lion qui veille. Le lion veille, oui. Alors ça, on fait quand même très attention. Une première mauvaise expérience il y a quelques années nous a appris maintenant qu'effectivement ils étaient là, parce qu'on en parle mais on les voit pas. Puis le jour où on tombe sur eux à 2 kilomètres de la voiture sans moyen de se défendre, eh bien on voit bien qu'on n'est pas du tout au sommet de la chaîne alimentaire. Et donc depuis, on a appris à lire les traces, à se méfier, à prévenir de notre présence. Mais oui, l'homme est et a toujours été, malgré tout, consommé par ces carnivores. Souvenons-nous donc de ce fameux Australopithèque qui a été mangé par un tigre à dents de sabre qui avait encore les crocs dans le crâne, c'est ça ? Oui, c'est ça. Et d'ailleurs, ça nous intéresse beaucoup. C'est pour ça que dans nos sites, lorsque l'on fouille, on est assez content lorsqu'on commence à trouver du carnivore. Parce que le carnivore, eh bien, c'est un chasseur et il va chasser non seulement la faune, mais aussi les hominines qui font partie de la faune à cette époque-là. Et donc, l'hominine va être ramenée, les ossements vont être ramenés, par exemple, dans l'abri, dans la tanière de ce carnivore. Et donc, si on trouve du carnivore, on a des chances d'avoir un résumé de tout ce qui se passait un petit peu autour en termes de faune. Et s'il y avait un Australopithèque qui est passé par là, malheureusement pour lui, mais heureusement pour nous, il y a des chances qu'on le retrouve dans notre site. Ce que vous trouvez donc, ce sont des accumulations de faune. Qu'est-ce que fait cette faune-là ? Elle est justement tombée dans ces trous ? Alors ça arrive, l'exemple de Littlefoot est éloquent. Littlefoot a fait une chute de plus de 30 mètres dans un gouffre. Il est tombé, il a roulé sur un tas de blocs et il s'est stabilisé et il n'a pas bougé pendant 3,7 millions d'années. Heureusement d'ailleurs, parce que si des animaux avaient pu descendre ce puits, ils l'auraient consommé et les eaux auraient été détruites ou en tout cas complètement redistribuées. Donc ça arrive, mais c'est quand même l'exception. La plupart du temps, ce sont la richesse en ossements de ces sites. C'est parce que ce sont des tanières de carnivores. Et là, c'est Jean-Baptiste Fourvel. Et puis, on a une étudiante, une doctorante maintenant, qui est Camille Tabar, qui fait sa thèse là-dessus et qui travaille justement sur l'interaction entre les carnivores et les hommes. Parce que la plus grande majorité de ces ossements ont des traces de dents, comme ce crâne, justement, qui avait été découvert, et montre bien que nos ancêtres étaient chassés, étaient même très certainement appréciés par les carnivores. Vous avez donc découvert de vastes réseaux karstiques, de gigantesques grottes donc au Botswana. Est-ce que vous pouvez dater la faune à l'intérieur ? Alors, on l'a daté directement. Dès qu'on est au-delà des méthodes classiques carbone 14, évidemment, on a beaucoup de mal à dater l'os lui-même. Il y a d'autres méthodes hein, sur les isotopes de l'uranium. Mais là, en Afrique australe, ça n'a pas très très bien marché. Donc, une des solutions, c'est de se baser sur les collections de référence d'ossements, ce qu'on appelle de la biochronologie. Et donc, en fonction des espèces que l'on va trouver dans notre gisement en cours de fouille, ça va nous donner une idée un petit peu de la période dans laquelle on se trouve. Vous auriez découvert un vieux chien de plus de 1,4 million d'années ? Oui, alors c'est ce qu'on appelle un chien vivérin, c'est une sorte de raton laveur, mais il est très très intéressant, et là Jean-Baptiste Fourvel l'a identifié à peine, il l'a vu, parce que justement le fait de trouver ce reste de chien montre que nos dépôts de cette ancienne grotte ont plus de 1,4 million d'années. Et ça nous intéresse beaucoup, parce que ça veut dire qu'on se rapproche de la période où l'homme est apparu, en tout cas on remonte vers les hominines. Autre point, un autre exemple, on n'a pas encore trouvé de restes de cheval. Et ça, le cheval, c'est intéressant parce que lui, il apparaît à 2,3 millions d'années. Donc si on n'a pas de cheval non plus, eh bien pareil, on peut remonter un petit peu longtemps. Et on peut faire pareil, par exemple, pour les outils. Les outils préhistoriques apparaissent en Afrique australe vers 2,2 millions d'années. Nos sites n'en ont pas. S'il y avait de l'homme autour mais qu'il n'y a pas d'outils, là aussi, ça veut dire qu'on est dans les périodes assez anciennes. Finalement, on retrouve des cortèges qui sont très comparables à ceux que l'on connaît dans la grotte de Sterkfontein. Et vous voyez que mieux on date finalement les dépôts de Sterkfontein et mieux on comprend ces nouveaux sites dans lesquels, pour l'instant, il n'y a pas de datation. Alors nous espérons tous, bien sûr, que vous allez trouver des primates, des hominidés, des hominines, comme on dit maintenant. Dans ces cas-là, de qui pourrait-il s'agir ? Un jeune Australopithèque, un très vieil homo ? On prendra tout, parce que imaginez que l'on trouve un seul morceau d'hominine au Botswana, et ça valide complètement, cette fois-ci, l'idée que l'Afrique est le berceau de l'humanité dans son entièreté. Donc un seul morceau. Ensuite, évidemment, si c'était un Australopithèque, comme Littlefoot, comme Lucy, ce serait fantastique. Ça veut dire qu'on est dans les gammes de temps de 3 millions d'années et qu'on a des chances, en allant vers des périodes plus récentes, de voir apparaître l'homme. Mais tout est possible, donc de l'Australopithèque, de l'Homo, voire même notre cousin d'évolution des paranthropes. Pour l'instant, en tout cas, on a tous les animaux qui étaient autour. Et ensuite, c'est une question de statistiques. On le voit sur les sites sud-africains. En général, lorsque l'on fouille, on trouve un os d'hominine pour 1000 os de faune. Donc ça veut dire qu'il faut trouver de l'os qui va nous permettre de documenter finalement l'ambiance autour des hommes et le milieu dans lequel ils vivaient, sa relation avec les autres animaux. Mais finalement, à force, statistiquement, on va bien tomber sur un os d'hominine. Vous allez entreprendre des fouilles. Le CNRS semble développer des programmes africains. Et bien entendu, je crois que vous êtes en lice. Oui, effectivement. Alors le CNRS actuellement est en train de lancer le plan Afrique. Il vient juste de le lancer. Donc il y a des gros programmes maintenant de soutien à la coopération avec les pays d'Afrique, coopération scientifique. Et l'objectif est de co-construire des partenariats, mais qui vont durer dans le temps. Jusqu'à présent, on se sentait des fois un petit peu seul. On arrivait dans un pays, on avait nos contacts, on lançait peu à peu notre programme de recherche. Là, maintenant, on est épaulé, par le CNRS, qui va nous donner les moyens de durer dans le temps. Parce que c'est bien de construire des relations de coopération avec les collègues. Mais si ça ne dure pas, des fois, c'est un peu difficile. On n'a plus d'argent et on ne peut plus y aller. Et là, maintenant, on se sent épaulé. C'est assez enthousiasmant. Et donc, ça permet aussi d'échanger, d'accueillir plus de collègues et de construire des vrais réseaux scientifiques. Parce que nos recherches, elles ne se font pas en une seule année, une seule mission. Il faut du temps. Et nous, on a envie de s'investir dans la durée. Laurent Bruxelles, donc partons dans la Corne de l'Afrique, puisque votre équipe de Toulouse, l'équipe Trace, y travaille. Djibouti, le Somaliland, l'Éthiopie aussi. Pays en crise, pour ne pas dire en guerre, l'Éthiopie a longtemps été le terrain de prédilection des archéologues français. Ce que vous trouvez dans cette région-là, ce sont des histoires de lacs, reflets des variations climatiques ? Et oui, parce que pendant la période quaternaire, en France, nous, on a eu des alternances de phases froides et de phases chaudes, de glaciation et de déglaciation. En Afrique, ça se traduit plutôt par des périodes de sécheresse et des périodes plus humides. Et donc, dans le paysage, on va avoir des lacs qui vont apparaître, se former, se développer, être très grands et puis réduire. Il faut imaginer, par exemple, à la frontière entre Djibouti et l'Éthiopie, le lac Abbé aujourd'hui n'est plus qu'une pâle expression de ce que ça pouvait être avant. Avant, ce lac était immense, il faisait plusieurs centaines de mètres de profondeur et il occupait depuis la base, l'arrivée de la rivière Awash et se déversait dans le golfe de Tadjoura en mer Rouge. C'était quelque chose d'immense. Et ça, c'est intéressant de travailler sur ces périodes-là parce que l'homme était là pendant ces moments-là et il a fallu qu'il s'adapte à ces variations. Et par exemple, lorsqu'on marche dans le désert, dans les montagnes, on va trouver, ça c'est le géomorphologue qui va parfois identifier d'anciens rivages lacustres. Alors il faut imaginer, il fait 45 degrés, on est en plein désert, on voit en bas du sable, et on voit là les restes d'une plage. Et en cherchant un petit peu plus, on trouve en plus les vestiges de sites archéologiques de pêcheurs qui, il y a plusieurs milliers d'années, s'étaient installés sur cette plage et pêchaient dans ce lac. Alors là, c'est carrément le choc parce qu'on essaie d'imaginer le paysage verdoyant, riche que ça pouvait être à l'époque. Et on voit surtout finalement à quelle vitesse et avec quelle amplitude un paysage peut évoluer sous le coup des variations climatiques. Et c'est bien sûr le site d'Assacoma dont vous me parlez à Djibouti. J'aimerais que vous me racontiez l'histoire des paysages. Vous l'avez aussi fait dans la vallée de la Garonne et dans l'Auragais avec d'étonnants résultats. Oui, on a travaillé pendant plusieurs années dans la vallée de la Garonne et un fait archéologique qui avait déjà été souligné il y a plusieurs années était qu'on ne trouvait pas, par exemple, de période d'occupation ou de site du paléolithique supérieur contemporain de la phase froide, vous voyez, donc de ce qu'on appelle le pléniglaciaire dans la vallée de la Garonne. Donc on avait un petit peu cherché et pourtant les terrains sont là, vous voyez, on a fait plus de 15 000 sondages en archéologie préventive. Et toujours pas de traces d'hommes, ou très très peu. Et on s'est dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas le froid, parce qu'il n'y a pas eu de traces de froid très très marquées. Mais en étudiant un petit peu mieux le Lauragais, on s'est aperçu qu'on avait des indices de vent. Et en fait, le Lauragais, c'est une espèce de verrou morphologique, vous voyez, entre la montagne noire et les Pyrénées, dans lequel le vent qui vient de l'Atlantique ou de la Méditerranée va s'engouffrer pour rejoindre ces deux océans. Et donc, c'est le gros problème, si vous voulez, c'est que cette zone-là est une zone d'accélération extrême des vents. À tel point, d'ailleurs, qu'au début du XXe siècle, un train a été renversé par le vent. Et pourtant, on est dans la période actuelle. Donc, vous pouvez imaginer ce que ça pouvait être pendant les phases froides du Quaternaire. Et donc, on imagine que cette zone-là, d'après les indices que l'on trouve d'érosion éolienne, on voit que le vent était très très fort, il a laissé son empreinte très marquée dans le paysage. Eh bien, c'était une zone certainement qui n'était pas très favorable à l'implantation de l'homme. Au pire, il l'a traversée, mais il ne s'y installait pas. Laurent Bruxelles, l'art rupestre est aussi votre terrain. On se souvient de vos recherches autour de la grotte de Lascaux. C'est aussi désormais dans le Quercy, avec la fameuse grotte de Pechmerle. Oui, alors Lascaux maintenant a été bien étudié, le conseil scientifique a rendu ses préconisations, elle a retrouvé son équilibre et pour l'instant tout va bien. Mais d'autres grottes, évidemment, restent à étudier. Alors la grotte de Pechmerle, par exemple, n'a pas de problème de préservation, mais elle nous intéresse comme certaines autres parce qu'on y recherche dedans les traces d'occupation ancienne de chauves-souris. On en avait parlé, ces chauves-souris, lorsqu'elles viennent après l'art pariétal, elles vont contribuer à le détériorer, à le faire disparaître. Et c'est pour ça qu'on a, dans certaines grottes, si peu d'art pariétal. Mais parfois, elles ont joué un rôle préparatoire. Et la grotte de Pechmerle en est un très très bon exemple. Elles sont venues s'installer bien avant l'arrivée des hommes. Et l'acidité qui est émanée des tas de guano, plus leur respiration, ont complètement lissé les parois. Et ça a permis, finalement, aux artistes du paléolithique de venir avec une toile prête à peindre de très très bonne qualité. Et donc c'est quelque chose que l'on travaille maintenant beaucoup, puisque c'est vrai pour la grotte de Pechmerle, mais c'est vrai aussi par exemple pour la grotte Chauvet, et énormément de cavités dans le sud de la France, en France et certainement dans le monde, ont eu ces occupations de chauves-souris, et il y a toute une thématique à développer entre la relation avec l'art pariétal et les occupations anciennes de chauves-souris. Enfin, et non des moindres, vous voici en République tchèque, autour d'un site exceptionnel, celui de Zlatikoun. C'est tout récent, et ça va. On a eu les premiers contacts il y a quelques jours, et puis on y retourne là au mois de mars. Et sous l'impression de Bruno Morey et de Jaroslav Brusek, effectivement, on va reprendre l'étude de ce site. Alors c'est un site important, puisque l'étude de l'ADN ancien du fossile de Zlatikoun, c'était un crâne incomplet, il y avait des côtes et des vertèbres, démontre l'existence de la plus ancienne lignée humaine moderne d'Eurasie de l'Ouest. Donc on est au-delà de 45 000 ans. Donc l'idée, puisqu'on n'a que les ossements, c'est de revenir dans la grotte et de refaire cette approche interdisciplinaire avec des paléontologues, des archéologues et des paléanthropologues pour essayer de localiser l'endroit d'où vient le crâne, mais surtout pour voir s'il reste des sédiments que nous pourrions analyser. Et à partir de là, faire plein d'analyses, de datations et peut-être même trouver d'autres fossiles. Laurent Bruxelles, tenez-nous vraiment au courant. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Carbone 14 était réalisé par Louise André, à la technique Olivier Dupré, et bien sûr avec la collaboration de Sandrine Chaperon. Vous pouvez écouter ou podcaster Carbone 14 sur le site de France Culture et l'application Radio France, ou retrouver plus de 300 archives sur le site inrap.fr.